Exercice 2, page 13. A. Je m'appelle René Davon. D. A. V. O. N. T. B. Mon nom de famille, c'est Jouras. J. O. U. R. A. S. C. Je m'appelle Marie Coffin. C-O-P-H-I-N. D. Mon nom, ça s'écrit B-A-R-T-U-L-I.